Voix une, voix lead, voici la Saint-Jean. Voici la Saint-Jean, la grande journée, voici la Saint-Jean, la grande journée où tous les amants vont à l'assemblée. Va mon ami, va, la lune se lève, va mon ami, va, la lune s'en va.